toi, enfoiré. Va charger poteau, t'as passé l'âge. La tête, elle va pas passer un péage. Fais pas le con, ça te retrouve même si tu te caches à Créas. Ça nique tout dans la ville, ça se croit dans San Andreas. Parle toute ma vie, ça vient de moi. On parle de prix à la fin de mois. Ça gratte toute la journée, car il tant que ça rondit les fins de mois. Et ton pote, il est plein de noises. À skip, il doit une ardoise. Il regarde partout, il est tout le temps pressé quand ça le croise. Désolé, mais bon, fallait pas m'énerver. J'sais plus les faux, les bons. Moi, j'veux juste m'aller faire ça. Les collègues, moi, j'sais papa. Ils sont pas tous reconnaissants, ça, ça se fait pas, papa. J'allais en chapelet à l'école, j'voulais ma maman. Chez moi, les petits vont des vols, ils sont dans la maman. Oh, j'leur mets un trou et ils veulent ma peau. Faut que je fasse le bien avant de finir là-haut. J'étais gentil avec toi, c'est pas beau. La prochaine fois, je ferai plus de cadeaux. Sorti, beaux albums, j'arrive, j'éteins, je repars. Pas de promo, pas de télé, et merci, au revoir. J'suis à l'hôtel, dans la suite, j'pète le bête en peignoir. Et le cœur, il est blanc, et le bolide, il est noir. M'en veulent, c'est des cons, ils veulent tout de suite, ils voient pas loin. J'me lève, j'fais des bons, j'vois des stories, envie de les appeler. Mais ils savent qu'ils sont pas prêts. Franchement, j'fais pas le gros, mais si j'veux vous courir comme Mbappé. J'veux quitter la ville, mais bon, j'suis aimanté. Que tu fais l'ancien, mon sang, t'as rien inventé. Pas de montre, j'sais pas combien. Y'a que mes CD qui sont diamantés. Les problèmes, c'est des épreuves. Manda N'Golo Kanté. Même si me nargue le policier, je reste simple, même si autour de moi plein de vicieux. Passe pas par quatre chemins, dis-moi tout dans les yeux. Y'a beaucoup de gens qui m'aiment bien qui sont dans les cieux. Alors c'est ça les collègues, moi je sais pas, papa. Ils sont pas tous reconnaissants, ça se fait pas, papa. J'allais en chapelet à l'école, je voulais ma maman. Chez moi les petits vont des vols, ils sont dans la maman. J'leur mets un trou et ils veulent ma peau. Faut que j'fasse le bien avant de finir là-haut. J'étais gentil avec toi, c'est pas beau. La prochaine fois, j'ferai plus de cadeaux. Sorti, beaux albums, j'arrive, j'éteins.